Nous voulons adorer le Seigneur qui nous a réunis ce soir. Nous avons un Dieu infiniment grand, infiniment fort. Un Dieu qui règne au siècle de siècles. Un Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Alors ce soir, j'aimerais que nous puissions ensemble adorer le Seigneur. J'aimerais ce soir que nous puissions ensemble élever le Seigneur. Sois glorifié ce soir. Les anges au ciel sont en train de chanter ensemble.